Chapitre 13. Bombay, les Parsis, les femmes coulis, Malabar Hill, le jour de Pâques, les tours du silence, le marché, départ vers le Deccan, Nangaum, en Tonka Dak, Ellora, Rosa et le tombeau d'Aurangzeb, les temples souterrains, Kailas et Viruakarma. Un dîner encore plus frugal que le déjeuner. Retour à Bombay. 12 avril. En attendant l'arrivée de mon ami, je prends la physionomie de Bombay et je visite longuement la ville indigène qu'un vaste emplacement coupé en deux par une allée de banyans sépare du fort. Note. Bombay, chef-lieu de la présidence du même nom. Fin de note. Bombay, peuplé de 650 000 habitants, est bâti sur une presqu'île formée de la réunion artificielle d'une série d'îlots terminés au sud et au nord-ouest par deux langues de terre. La langue sud se nomme Kolaba, l'autre est le promontoire de Malabar Hill. La rade, qui est splendide, est comprise entre la côte est de la presqu'île et une deuxième chaîne gigantesque d'îles, au flanc de peluches vertes formant un superbe décor d'opéra. Je ne m'étendrai pas sur les races déjà vues, ni sur les habitations, ni sur les costumes, peu différents de ceux décrits au fur et à mesure de ma galopade à travers l'Inde. Je dirai seulement que les formes des turbans et leurs dimensions sont tellement variées qu'on dirait d'une mascarade. Deux mots sur les coulis et les parsis. Le métier de portefaix est exercé ici par des femmes de basse caste. Coulis, ces ponettes hindoues, pour mieux stepper, relèvent leur langoutis entre les jambes jusqu'à mi-cuisse, ce dont personne ne se plaint, pas même moi. D'ailleurs, rien n'habille comme une nuance de peau un peu foncée. Les femmes parsis, au contraire, presque toutes aussi blanches que les européennes, sont vêtues de robes de soie aux vives couleurs ou sont affublées du large pantalon musulman. Elles portent en plus, à la Vierge, un voile richement brodé et des babouches élégantes. Leurs enfants, jolis comme des cœurs, sont couverts de bijoux et de dorures. Note : les Parsis, originaires de la Perse et de race purement aryenne, quittèrent leur pays au XIIe siècle et débarquèrent sur la côte du Gujarat, nord de Bombay. Ils ont donné naissance à une communauté des plus florissantes. Les Parsis adorent le soleil et le feu. Vivien Saint-Martin. Fin de note. Quant aux maris de ces beauties, leur teint est plus bronzé, leur nez fortement aquilin et ils portent des demi-favoris. Par exemple, leur coiffure est remarquablement disgracieuse. Elle consiste en une sorte d'affreux shako sans visière en carton étoilé. Sans être beaux, les Parsis ont tous l'air intelligents. Hommes et femmes sont irréprochables de tenue et de conduite. Enfin, ils se soutiennent les uns les autres de telle sorte qu'il n'existe pas de pauvres parmi eux. Voilà qui suffirait à faire l'éloge de ces commerçants de génie. Note, les Parsis tiennent entre leurs mains tout le commerce de l'Inde occidentale. Vivien Saint-Martin. Fin de note. À 10 heures, je vais à la gare chercher mon compagnon de voyage, retour d'Ajmir, dont il ne me dit pas merveille. Je n'ai donc pas de regrets à avoir de ce côté-là. Nous consacrons une partie de la journée à courir les marchands, puis nous allons faire notre persil à Malabar Hill, la plus ravissante promenade de l'Inde. C'est une sorte de posilipe, exotique et verdoyant, où toute une colonie de délicieuses villas est venue se blottir à l'ombre veloutée des lataniers que les euphorbiacées, les rosiers, les jasmins et les clématites géantes enlacent de leur puissant réseau. Le consul de France y possède une habitation charmante, dont Madame Follet veut bien nous faire les honneurs avec une exquise amabilité. Nous regagnons Bombay comme le soleil se couche. À nos pieds, la cité se déroule en un demi-cercle bleuâtre marqué en son centre par un groupe rosé de monuments pseudo-gothiques, présentement en pleine lumière. Tout au loin, Colaba se perd dans l'océan pailleté d'or et en arrière de nous, au-dessus de la ligne sombre tracée par le promontoire, les palmiers se profilent sur le ciel enflammé comme des silhouettes d'œillets géants. De Malabar, nous dirigeons notre promenade du côté de l'esplanade où une musique de cipaye charme les nombreux indigènes à grands coups de grosses caisses. Des babous à turban rose à deux pointes s'y promènent lentement, drapés dans leur mousseline. D'autres coiffés d'or ont fait arrêter leurs équipages et écoutent d'un air indifférent. Sur la pelouse, des nourrices et des ayas accroupis jouent avec leurs babies. Sur les bancs circulaires, les dames parsies, auxquelles les indiennes musulmanes font repoussoir, éventent gracieusement leurs rejetons, dorés comme des maréchaux. Enfin, en arrière des groupes, les hommes à shako lisent au dernier rayon du soleil leurs Indes Avesta de poche avec le plus profond recueillement. Il y a dans cette foule une variété d'attitudes, de costumes, de figures et de manières d'être réellement indescriptibles, et nos froids vêtements européens n'y sont certainement pas à leur avantage. Une seule chose me console néanmoins, c'est que les coiffures des Parsis sont plus ridicules encore que nos tuyaux de poils. 13 avril, jour de Pâques. À 7h du matin, je pénètre en quête de messe dans une petite chapelle sise dans Meadow Street. À côté de moi s'agenouille un bel Indien vêtu d'une ceinture et de deux colliers de coquillages. Son crâne rasé, surmonté d'une épaisse touffe de cheveux, le fait ressembler à un ananas. À chaque instant, ce néophyte matérialise l'expression de sa foi par des gestes d'épileptique. Ses voisins ne sont guère plus sobres de manifestations religieuses, et la partie féminine de l'assistance ne cesse de piailler archifaux pendant la cérémonie qui est, dit-on, une messe. Comme je n'en suis pas bien sûre, je demande l'adresse d'une église réellement catholique. On m'indique Saint-François-Xavier. Dans ce temple, un prêtre de haute stature officie avec une distinction extrême à travers une buée d'encens striée de feu par le soleil. Du haut des voûtes se balancent comme des encensoirs célestes ou mieux, comme de gigantesques métronomes de blampunka rythmant les chants des soprani et, alternativement, les orgues répandent sur le plein chant de l'assistance l'appui de leur faux bourdon. Je ne regrette certes pas la précédente cérémonie. Le soir, nous continuons nos études de mœurs, cette fois le long de la plage jusqu'à Colaba. Et nous revenons à travers les cantonnements anglais à l'hôpital de la Marine et au quai d'Apollon. Le quai d'Apollon, à forme de vaste rotonde, n'est autre chose que l'embarcadère de Bombay. Tout proche est situé un restaurant bien tenu, flanqué d'un kiosque où un orchestre indigène joue tous les soirs, ce qui permet de manger en musique en contemplant une des plus belles rades de l'univers. 14 avril. En parlant des Parsis, j'ai omis de dire qu'au lieu d'enterrer leurs morts comme les musulmans ou de les brûler comme les hindous, ils les font dévorer par des vautours. Ce déchiquetage funéraire s'opère sur le sommet des tours du silence où sont exposés les corps des défunts. Muni de par les soins du consul de France de l'autorisation nécessaire pour pénétrer en cet étrange cimetière, construit au point culminant de Malabar Hill, nous montons en voiture à 6h du matin pour nous y rendre. Que ne sais-je exprimer combien Malabar Hill est ravissant à cette heure matinale, avec ses bouquets d'arbres dont le soleil à son petit lever, rosit graduellement les cimes, tandis qu'une brume bleuâtre estompe le pied des massifs verts, où les fleurs de toutes nuances se marient dans un scintillement de rosée. Au bout de 40 minutes, nous arrivons par une route serpentante à travers un dédale de jardins et de bosquets délicieux, à la porte du lieu funèbre. Un gardien nous salue, prend notre laissez-passer et nous conduit dans un vaste jardin au centre duquel trois tours élevés à peine de 10 mètres au-dessus du sol, étalent leur massive rotondité. La plateforme circulaire du sommet est partagée en trois zones concentriques, légèrement inclinées vers un puits central, communiquant avec un souterrain cruciforme. Un grand nombre de rigoles rayonnent de la plateforme vers le puits, afin de permettre l'écoulement du sang. Sur la zone correspondant au plus grand rayon, les prêtres exposent les cadavres des hommes. La suivante est consacrée aux femmes et la dernière aux enfants. En moins de 15 minutes de déchiquetage par les vautours, il ne reste du défunt que le squelette entièrement nettoyé. Les prêtres jettent alors ses ossements dans le trou médial. Une réduction en plâtre placée sous nos yeux en face même des originaux, nous permet de suivre parfaitement les explications du gardien. Je compte sur le rebord des tours plus de 100 vautours attendant philosophiquement leur lugubre ration. Quelques autres plus impatients décrivent dans l'air de grands orbes scrutateurs. Ce sont des oiseaux d'une espèce particulière. Leur plumage est marron, leur gorge blanche, et leur taille inférieure à celle des vautours communs, avec lesquels ils ne se galvaudent jamais. Notre guide nous dit que pendant les épidémies, ils rechignent beaucoup à la besogne à cause de la qualité inférieure de la viande et que les prêtres sont obligés parfois d'activer leur appétit à grands coups de bâton. Cet apéritif en bar fait ma joie et la mère Picon n'a qu'à bien se tenir à mon retour en France. Cependant, 8 heures sonnent. Comme c'est l'heure consacrée à la funèbre exposition, les vautours commencent à se mobiliser, ainsi que cela se passait jadis dans nos écuries, à la sonnerie de la botte. Malheureusement, nous recevons poliment l'ordre d'avoir à en faire autant. Aucun païen n'ayant le droit d'assister à l'enfouissement intestinal des feux sectateurs de Zoroastre. Nous nous rabattons donc sur le grand marché construit entre la ville blanche et la ville noire, mais plus près de cette dernière. Ce sont de splendides halles en marbre, briques et fer, séparées les unes des autres par de délicieux jardins dont les senteurs triomphent presque des âcres odeurs du poisson et des viandes. Outre ces deux produits alimentaires essentiels, on y trouve tous les fruits, toutes les fleurs, tous les oiseaux et toutes les denrées de l'Extrême-Orient, achetées, vendues et marchandées par une multitude aux types tellement variés qu'on se croirait en plein carnaval. Certainement ce marché, où il est, par parenthèse défendue de fumer, est la chose la plus curieuse de Bombay. Nous revenons au fort par la grande artère passant devant le Rampart Row, où nous remarquons, au milieu d'un rond-point entouré d'arbres, une très belle statue de Sa Majesté, la reine Victoria, représentée sur son trône en grande tenue d'impératrice des Indes, sceptre au poing et diadème en tête. Plus près du fort se trouve le magnifique hôtel de la poste et du télégraphe, puis échelonné le long de l'esplanade, faisant face à l'est, la haute cour, l'université, la bibliothèque, etc., etc. Tous ces superbes monuments de style gothique, mélangés de romano-byzantins et de vénitiens, sont réellement des modèles en leur genre. Une tour à carillon, haute de 70 mètres, domine ces constructions. À leurs pieds, est un vaste square bordé de manguiers. Enfin, entre ce square et celui de l'hôpital de la Marine, dont j'ai déjà parlé, s'étend une vaste place ornée d'une fontaine et de la statue équestre du prince de Galles. À mon arrivée à Bombay, j'avais fait écrire au Babou, maître de poste de Nandgaum, pour l'informer de notre désir de visiter les temples d'Ellora et le prier de nous répondre télégraphiquement. Note. Nandgaum, station sur la grande ligne de Calcutta à Bombay. Fin de note. Nous trouvons, à notre retour à l'hôtel, un télégramme de ce babou nous annonçant qu'une Tonga Dak et 16 relais sont à notre disposition. À 5 heures donc, malgré la température insupportable, le mail de Calcutta nous emporte vers le décan. Note. Tonga Dak, voiture de poste. Fin de note. 15 avril. Après 10 heures de railway, nous arrivons à Nandgaum. Pas plus de Tonga Dak que dans mon œil. Il est 2h30 du matin. Et la lune, jaune comme un coin, a l'air de ricaner. Moi aussi, je ris. Jaune. Nous tempêtons après le personnel de la gare qui n'en peut mais. Notre boulou ne sait où donner de la tête. En revanche, Bélier donne du poing un peu partout. Enfin arrive le maître de poste, suivi à distance de sa tonga. Sans se laisser intimider par notre exorde véhément, ce personnage nous demande un prix ridicule pour notre transport. Nous tenons bon. Puis notre altercation arrive à un tel paroxysme d'animation que le babou finit par céder. Mais il nous faut payer la moitié d'avance. Ce contrat adopté, nous nous entassons dos à dos sur la boîte à deux roues et à deux rosses rembourrées avec des noyaux de pêche nommés Tonga Dak. Notre coachman hurle et sacre comme un sauvage qu'il est, se démène comme un diable qu'il sera, cogne à tour de bras les flancs retroussés de ces deux malheureux Hindoustanis qui ont l'air d'être en carton, tellement ils sont indifférents à tout ce tapage et à toutes ces brutalités. Tout à coup, cependant, ils partent au galop. J'ignore encore pour quelle cause ils se sont décidés à prendre cette détermination, mais du coup, la lune s'en est voilée la face. Je fais grâce au lecteur des secousses, des à-coups, des chocs, des bousculades et des tapes que nous subissons. Une seule chose nous console, c'est que grâce au supplice de la transpiration perpétuelle, nous pourrons être archimoulus sans arriver jamais à attraper une courbature. Autour de nous, le pays semble désolé et inculte, sauf quelques paquets noirs par-ci, par-là, nous indiquent la présence d'arbres rabougris. Bientôt, le paysage devient gris, puis blanchâtre, puis jaune. Le soleil est à son poste. Nous relayons toutes les 20 minutes. À l'approche des relais, notre cocher joue d'un odieux cornet. Des corps étendus sur des couvertures en lambeaux se lèvent à contre-cœur, remplacent nos chèvres fatiguées par deux autres, non moins éthiques, puis se recouchent. Nous traversons plusieurs cours d'eau affreusement ravinés dont nos bêtes seraient impuissantes à nous tirer malgré les imprécations de leurs conducteurs si nous ne nous mettions de la partie. Nous descendons, puis nous remontons pour redescendre encore. Et si nous ne versons pas, c'est que nous avons soin de sauter à terre au moment où cet événement va se produire. Fin de la première partie du chapitre 13.